Chapitre 33e. Pourquoi Harry avait été mandé au presbytère. La lettre qui avait appelé Harry au presbytère était de sa mère. Elle lui mandait qu'il leur était survenu une affaire désagréable du côté où on l'attendait le moins. M. Clavering, le père, avait une querelle avec M. Saul. Dans une entrevue entre le recteur et le vicaire, on s'était dit de gros mots et toute la paroisse était en effervescence. On demandait à Harry de venir en toute hâte à Clavering et d'y voir M. Saul. Harry, très étonné de l'occasion d'où venait ce nouveau malheur, obéit néanmoins à l'appel de sa mère sans en être trop contrarié. Fanny, autant qu'il pouvait le savoir, n'avait jamais donné d'encouragement aux prétentions de M. Saul. Quand celui-ci lui avait fait l'offre dont Harry avait eu connaissance, elle avait répondu par un refus péremptoire. Harry avait cru d'abord à quelques dérangements du cerveau chez M. Saul, mais, le regardant comme un homme qui en rien ne sentait ni n'agissait comme les autres, il estima qu'en dépit de la sottise qu'il avait faite, M. Saul pouvait très bien rester vicaire à Clavering et que les choses iraient comme par le passé. Or, cela n'allait pas du tout. Harry le voyait bien. Mais même à son départ pour Londres, il ne pouvait s'imaginer d'où était venu entre le recteur et le vicaire ce désaccord porté au point de ne plus pouvoir se voir. Si le lecteur me le permet, je vais revenir un peu en arrière pour lui expliquer cela. Il sait ce que le frère de Fanny ignorait encore, savoir qu'il avait recommencé sa poursuite et plus vivement que jamais. Il sait aussi que l'accueil de Fanny fut cette fois bien différent du premier. Elle en était venue à douter. À douter si au début elle n'avait pas jugé trop sévèrement M. Saul. À douter qu'il se fût donné un tour impardonnable en s'adressant à elle et si la violence de son amour ne le rendait pas excusable. À douter si elle-même ne l'aimait pas plus qu'il n'avait supposé d'abord. À douter enfin que s'engager avec un pauvre vicaire sans le sou fût une telle énormité. Que voulez-vous? Les pauvres jeunes vicaires sans le sou peuvent bien aimer quelqu'un, tout aussi bien que les jeunes vicaires et recteurs à bénéfice, et puis M. Saul savait si bien plaider sa cause. Fanny n'avait pas répondu à M. Saul et il lui avait dit que dans quelques jours il lui demanderait de nouveau quel sort elle lui réservait. Elle n'avait rien dit de tout cela à sa mère, car comment en parler quand elle-même ne savait pas ce qu'elle désirait? Ce secret à garder la rendait terriblement malheureuse. Elle sentait donc le besoin de s'en ouvrir à sa mère et se promettait de le faire avant que M. Saul renouvelât sa question. C'était un homme qui jamais ne se pressait ou ne s'impatientait. Fanny crut donc pouvoir ajourner sa confidence, ajourner sa résolution finale, si bien que le temps marcha et que M. Saul, en revenant à la charge, la trouva aussi peu préparée que par le passé. Quand une femme est dans le doute, si elle aime ou si elle n'aime pas, il se trouve 5 fois sur 6 qu'elle a du penchant pour l'homme objet de ce doute. Femme qui hésite, femme perdue, disent les cyniques. Moi qui ne suis pas cynique, je dis simplement femme qui hésite, femme gagnée. Plus Fanny pensait M. Saul, plus elle sentait qu'il n'était pas l'homme qu'elle avait supposé d'abord, qu'il était plus largement doué en fait de cœur, de ressort, de caractère viril, et nullement indigne de l'amour d'une femme. Elle ne convenait pas qu'elle se fût attachée à lui, mais de tout ce qu'elle lui opposait, elle en revenait toujours à une même et perpétuelle objection. 70 livres sterling pour tout revenu. Enfin, l'assaut annoncé, l'assaut qui devait être définitif, arriva quand elle s'y attendait le moins. Pendant le temps qui l'avait précédé, ils avaient été vis-à-vis l'un de l'autre comme à l'ordinaire. Il leur était impossible de ne pas se rencontrer souvent. Depuis qu'elles étaient mises à douter au sujet de M. Saul, elle avait été plus exacte à visiter les pauvres de l'école dont elle s'occupait. Elle semblait ainsi s'exercer à remplir les devoirs qui lui incombraient plus particulièrement si elle venait d'être femme d'un vicaire. De la sorte, ils étaient continuellement ensemble. La mère voyait cela et tremblait, mais avait cru mieux faire d'attendre que Fanny lui parlât la première. Fanny était très sage et très prudente. Il ne se pouvait qu'elle ne vît pas l'impossibilité d'un tel mariage. Quant au recteur, il n'avait pas le moindre soupçon. Saul avait fait une ânerie, mais s'était passé et oublié. Comme vicaire, Saul était inappréciable et en cette considération, son ânerie lui avait été pardonnée. Telle était la manière dont le recteur envisageait les choses. Ce ne fut guère plus de 2 jours après la promenade en Cumberley Lane que M. Saul recommença l'attaque. Ce fut au même endroit et à la même heure que l'autre fois. 2 fois la semaine et toujours les mêmes jours de la semaine, il se rendait à la chapelle à l'extrémité de la paroisse et ce jour-là, il rencontrait Fanny revenant à la maison. Mais il y avait pourtant quelques jours que cela n'était arrivé. Il s'était bien trouvé assez souvent avec elle à l'école, mais l'y avait laissé pour aller à ses affaires sans lui proposer de la reconduire et n'ayant pas l'air de se soucier de sa compagnie pour le chemin. Ce jour-là, il vint à l'école et, passant sa tête par la porte entrebâillée, demanda à Fanny de venir avec lui. Le moment était donc venu et Fanny sentait bien qu'il n'y était pas préparé. Mais il n'y avait pas moyen d'échapper. Aussi elle prit son chapeau et sortit avec lui. « Miss Clavering, lui dit-il, avez-vous pensé à ce que je vous ai dit ?» Elle ne répondit pas et sembla fort occupée à tracer des figures sur le sable avec le bout de son ombrelle. Il reprit. « Il est impossible que vous n'y ayez pas pensé. Ces choses-là ne s'oublient pas. »« Assurément, j'y ai pensé. » »« Et qu'en dit votre pensée, ou plutôt, qu'en dit votre cœur ?» L'un et l'autre ont dû parler, mais c'est votre cœur que je voudrais entendre en premier. « Monsieur Saul, la chose est impossible. » « En quoi impossible ? Papa n'y consentirait pas. » « Le lui avez-vous demandé ? Oh Dieu, non !»« Ouais, mais c'est Clavering ?» Fanny rougit, en songeant combien de jours elle avait laissé s'écouler sans demander conseil à sa mère. « Non, je n'en ai parlé à personne. À quoi bon, puisque la chose est impossible ? Puis-je parler, monsieur Clavering ?» Fanny ne répondit pas immédiatement et monsieur Saul reprit sa question. « Puis-je parler à votre père ?» Fanny comprit que ne pas répondre, c'était donner son consentement. Elle n'avait pas l'intention de le donner. « Miss Clavering, reprit-il, si vous avez quelque affection pour moi, vous n'avez pas le droit de me refuser cette permission. Je vous le dis carrément. Si vous vous sentez assez d'amour pour moi, pour n'avoir pas de répugnance à m'accepter comme époux, votre devoir est de me le dire, votre devoir envers moi, envers vous-même, envers Dieu. » Fanny n'était pas entièrement de cet avis, mais elle ne voulut pas le contredire. En ce moment, elle ne songea pas que pour se placer sur un terrain défendable, il lui fallut tout d'abord contester l'hypothèse et nier qu'elle sentît pour lui ce qu'il supposait. Monsieur Saul, dont l'esprit était plus pénétrant, prit avantage de cette faute et affecta de regarder comme chose désormais convenue qu'il était aimé d'elle. Il savait bien ce qu'il faisait et il y avait bien un peu de jésuiterie dans son fait. « Monsieur Saul, dit Fanny, avec un air grave et prudent, on est condamnable de se marier quand on n'a pas de quoi vivre. » Et la chance est bordée en désespoir de cause, elle faisait bien voir qu'il ne lui restait plus d'autre coup à tirer. Aussi dès lors, ce fut partie gagnée pour lui. « Si c'est là votre seule objection, lui dit-il, vous ne pouvez trouver mauvais que nous la discutions, votre père et moi. » À cela, elle ne répondit rien, et ils marchèrent quelque temps en silence. Monsieur Saul aurait voulu que la conversation restât là, comptant bien qu'à la prochaine rencontre, il aurait encore plus d'avantages qu'aujourd'hui à prendre la position d'amant agréé. Un autre que lui aurait voulu tirer d'elle une parole d'amour bien accentuée, un serrement de main, avec l'espoir qu'il y serait répondu. Qui sait peut-être plus encore, sauf à demander un pardon, qui dans ces cas-là ne se refuse guère. Mais M. Saul s'en garda et fit bien. Elle ne s'était pas assez compromise pour ne pouvoir revenir sur ses pas s'il l'eût trop pressée. Ces menus grappillages des gens qui font l'amour n'étaient pas le fait de M. Saul, mais c'était un homme qui, une fois amoureux, le serait pour la vie. Cependant, le chemin était trop long pour qu'on pût rester muet jusqu'au bout. Fanny, tout en marchant, cherchait à grand-peine des paroles qui lui fissent regagner le terrain perdu, mais les mots n'arrivaient pas. Il lui semblait être emporté par cet homme à travers champs, sans pouvoir trouver une négative ou s'accrocher. Tout avait subitement disparu de sa mémoire. Plus elle se débattait, plus elle s'empêtrait, et de désespoir, elle finit par y renoncer. M. Saul pouvait dire tout ce qui lui plaisait. Il était impossible qu'ils se mariassent. Tous ses beaux arguments tirés du devoir étaient absurdes. Pour elle, ça ne pouvait être un devoir d'épouser un homme qui la laisserait mourir de faim. Combien elle regrettait de ne pas lui avoir dit tout d'abord qu'elle ne l'aimait pas. Mais il était trop tard pour se rétracter. Une seule chose était arrêtée dans son esprit. En rentrant, elle irait trouver sa mère et lui dirait tout. « Miss Clavering, dit-il, demain j'irai voir votre père. »« Non, non !» s'écria-t-elle avec effroi. « De toute façon, j'irai très certainement. Soit pour lui dire que je vais quitter la paroisse, en lui en faisant connaître le motif, soit pour lui demander la permission d'y rester avec l'espoir de devenir son gendre. Me direz-vous maintenant que je dois partir ?» Fanny demeura de nouveau muette, sa mémoire ne lui fournissant aucune réponse négative qui fut de mise dans la circonstance. Demeurer ici sans espoir me serait impossible. Maintenant, je ne suis pas sans espoir. Au contraire, j'en suis rempli. Je serai heureux. Dussé-je attendre aussi longtemps que Jacob ? et vous consoler comme Jacob, dit Fanny. Cette plaisanterie devait lui être fatale et il le comprit bien. Un sourire de maligne satisfaction passa sur sa maigre figure. Il savoura le triomphe. « Je ne suis point du bois des anciens patriarches, dit-il, et quand au lieu de 7 ans j'en aurai 14 à tendre, je ne prendrai pas de lien. » Ils étaient arrivés à la porte du presbytère, et il crut avoir assez travaillé ce jour-là. Il rentra donc dans sa chambre solitaire chez un fermier du voisinage, et tout triomphant, se mit tout seul à table pour manger son gigot froid. Lui, pauvre, sans amis, sans avantages personnels, se sentant déplacé dans les relations les plus ordinaires de la vie sociale, n'en avait pas moins gagné le cœur de la plus belle personne qu'il eût jamais vue. En la quittant, il lui avait dit « Vous voudrez bien me donner la main ?» Et là-dessus, elle la lui avait tendue, sans lever les yeux de dessus terre. « J'aime à croire que nous nous sommes compris, » ajouta-t-il. « Vous comprendrez au moins que je vous aime de tout mon cœur et de toute ma force. Si je viens à prospérer, ma prospérité sera la vôtre. Si la prospérité reste inconnue pour moi, vous serez ma seule consolation en ce monde. Vous êtes mon alpha et mon oméga, ma première et ma dernière, mon commencement et ma fin, mon tout. » Il s'éloigna sans qu'elle lui laissait sortir de ses lèvres aucune réponse négative. Hélas, pour ce qui est des lèvres, c'en était fait pour elle de toute réponse de ce genre. Elle entra dans la maison, sachant que la première chose qu'elle eut à faire était d'aller trouver sa mère. Néanmoins, elle monta d'abord dans sa chambre et y resta une demi-heure à chercher ce qu'elle dirait, car elle sentait que la confidence serait difficile, beaucoup plus difficile qu'avant cette dernière promenade avec M. Saul. Et le pire de l'affaire, c'est qu'elle-même ne savait pas bien dans quel sens elle devait parler à sa mère. Elle attendit donc jusqu'à ce qu'elle lui entendît monter l'escalier pour aller faire sa toilette. Elle la suivit, et en entrant avec elle dans sa chambre à coucher, commença abruptement. « Maman, j'ai beaucoup de choses à vous dire, » dit ma chère enfant. « Mais il ne faut pas que vous soyez pressée. » Mrs. Clavering regarda sa montre et, voyant qu'elle avait encore 3/4 d'heure jusqu'au dîner, promit de ne pas être pressée. « Maman, M. Saul m'a encore parlé. Il vous a parlé ? Assurément, vous ne pouvez l'empêcher de vous parler, mais il doit savoir que c'est une folie qui finira par l'obliger de nous quitter. C'est ce qu'il dit, maman. Il dit qu'il faut qu'il s'en aille, à moins que je ne consente à ce qu'il reste ici comme votre amoureux agréé. Est-ce cela, Fanny ? Oui, maman. Alors, je pense qu'il faut qu'il parte. Qu'y pouvons-nous faire ? J'en suis fâché pour lui et pour votre père. » Mrs. Clavering, en disant cela, regardait sa fille et vit du premier coup d'œil que cet arrêt ne tranchait pas la difficulté. La figure de Fanny montrait de l'embarras et la nécessité d'une plus ample explication. « N'est-ce pas ce que vous pensez vous-même, ma chère ? » demanda Mrs. Clavering. « Je serais très fâché qu'il quitte la paroisse à cause de moi. » « Nous partageons tous ce regret, ma très chère, mais qu'y faire ? Je ne pense pas que vous désiriez qu'il reste en qualité de votre futur. Je n'en sais rien, maman. » Les craintes de Mrs. Clavering étaient justifiées. À vrai dire, au premier mot de Fanny, elle avait deviné ce qu'il en était. M. Clavering, le père, n'aurait jamais pu croire que sa fille se fût prise d'amour pour un homme tel que M. Saul. Mais sa femme savait mieux que lui ce que peut sur les femmes la persévérance quand elle se joint à une grande capacité intellectuelle, renforcée d'une grande hardiesse. Elle était donc plus affligée que surprise, et n'eut pas hésité à accepter pour gendre M. Saul s'il n'eût pas été si pauvre. « Voulez-vous dire que vous souhaiteriez le voir rester après ce qu'il vous a dit ?»« Cela serait la même chose que de l'accepter. Vous me comprenez, Fanny ?»« Eh bien, je sais bien que ce serait l'accepter. »« Et est-ce là ce que vous voulez faire ?» « Allons, ma chérie, dites-moi bien ce qui en est. Que lui avez-vous dit, vous » Qu'a-t-il dû conclure de la réponse que vous lui avez faite ? « Il dit qu'il viendra voir papa demain. » « Et est-ce avec votre consentement ?» Jusque-là, Fanny s'était mise dans l'angle d'une fenêtre, en sorte que, tout en étant près de la table de toilette où sa mère était assise, elle pouvait parler sans presque montrer sa figure. Sa mère, jugeant à propos de la tirer de cette retraite, se leva, alla s'asseoir sur un sofa, et fit mettre sa fille à côté d'elle. Un médecin, ma chère, ne peut faire aucun bien, si le malade ne lui rend pas compte de tout ce qu'il éprouve. Avez-vous dit à M. Saul qu'il pouvait voir votre père venant de votre part ? Non, maman, je ne lui ai pas dit cela. Je lui ai dit que nous ne pouvions nous marier, parce que nous serions trop pauvres. Il aurait bien pu voir cela tout seul, mais il ne pense jamais à ces choses-là, maman. Je ne puis vous répéter exactement ce qu'il a dit, mais le sens était qu'il ne fait nul cas de l'argent. Mais cela n'a pas le sens commun, n'est-ce pas, Fanny ? Il ne dit pas que, quand on s'aime, on doit se marier immédiatement sans avoir de quoi vivre. Suivant lui, on doit, en ce cas-là, se faire une promesse réciproque et attendre patiemment. Je pense que quelque jour il espère avoir un bénéfice. Mais Fanny, l'aimez-vous ? Et ne lui avez-vous jamais dit ? Je ne lui ai jamais dit, maman. Mais l'aimez-vous ? Fanny ne répondit pas à cette question et s'en fut assez pour Mrs. Clavering. Elle n'avait nulle envie de gronder sa fille, ni même de lui remonter fortement combien elle avait été imprudente de donner son cœur, sans autre raison sinon qu'on le lui avait demandé. C'était un malheur, qui eût pu être évité si l'on avait renvoyé M. Saul immédiatement, après sa première déclaration d'amour. Maintenant, il fallait que M. Saul partît. Cela ne ferait pas un doute, et Fanny aurait le chagrin de voir s'éloigner un amoureux dont son père ne voulait pas entendre parler. C'était fâcheux, mais les reproches n'y auraient rien fait, et vouloir obliger Fanny à renoncer à son amant n'eût été qu'un embarras de plus. Voulez-vous que je dise tout cela à votre père avant la visite de M. Saul ? Si vous le jugez à propos, maman. Enfin, ma chère, seriez-vous disposée à l'épouser si ce n'était son défaut de fortune ? Je le crois, maman. Et lui avez-vous dit ? Je ne le lui ai pas dit, mais il l'a compris. Si vous ne lui avez pas dit, vous êtes encore à temps d'y réfléchir. Mais depuis que Fanny s'était rendue, elle était bien résolue à ne plus faire d'efforts pour déloger l'assaillant. Je sais très bien, maman, que s'il était à son aise comme Édouard, je l'accepterais. Il n'y a que son défaut de fortune qui me retienne. Mais vous ne lui avez pas dit cela. Je ne lui dirai rien sans votre consentement et celui de papa. Il a dit qu'il viendrait voir mon père demain. Et je ne pouvais l'empêcher. Je lui ai dit que je regarderais notre mariage comme impossible. Le mal était fait, et sans remède. Mrs. Clavering dit à sa fille qu'elle n'en parlerait pas au recteur avant la fin de la soirée, en sorte que Fanny put paraître au dîner sans avoir à redouter une scène pour le soir. Mais le lendemain matin, elle ne vint pas au déjeuner. Elle demanda à sa mère, qui entra de bonne heure dans sa chambre, s'il était nécessaire qu'elle vît son père avant la visite de M. Saul. Et elle fut bien aise d'en être dispensée. Votre père dit qu'il ne peut pas être question d'un tel mariage. C'est ce que j'ai dit aussi à M. Saul, fit Fanny en commençant à pleurnicher. Et il ne peut y avoir d'engagement, continua Mrs. Clavering. Je ne me suis pas engagée. Je lui ai toujours dit que c'était impossible. Votre père pense qu'il doit se séparer de M. Saul. J'ai été bien sûr que papa penserait cela. Mais maman, ce ne peut être une raison pour que je l'oublie. Mrs. Clavering ne répondit rien, et Fanny eut la permission de rester dans sa chambre jusqu'après la visite de M. Saul. Peu de temps après le déjeuner, M. Saul arriva. Sa présence au presbytère était tellement habituelle que d'ordinaire il ne donnait pas aux domestiques la peine de l'annoncer. Mais ses visites s'adressaient plutôt à Mrs. Clavering et Fanny qu'au recteur. Cette fois, il sonna et demanda à M. Clavering. On le fit entrer dans ce que le recteur appelait son cabinet. La servante qui l'introduisit trouva quelque chose d'insolite dans sa manière de se présenter. Le recteur n'avait pas encore fumé son cigare, ce qui le disposait mal pour la conversation qui devait suivre. Il avait bien promis à sa femme de ménager Fanny et de ne pas faire sentir sa colère. Mais rien ne gênait son indignation contre Saul. La prétention de celui-ci lui paraissait outrecuidante, non seulement parce qu'il était sans fortune, mais parce qu'il était M. Saul et que Fanny était Fanny Clavering. M. Saul était bien un gentleman, mais rien de plus. Il y a en Angleterre une classe d'ecclésiastiques de campagne dont faisait partie M. Clavering et aussi son gendre, M. Fielding, classe alliée de si près à celle des Esquires, qu'elle possède une double identité. Ces ecclésiastiques-là ne sont pas seulement ecclésiastiques, mais aussi hobereaux. M. Clavering les regardait comme une classe du clergé très supérieure à toutes les autres, toute question de fortune à part. Quand il se trouvait avec des confrères, recteurs ou vicaires, il avait avec eux des manières toutes différentes, suivant qu'ils appartenaient à sa propre classe ou à une autre. Non qu'il fût moins poli pour les uns que pour les autres. C'était comme un signe maçonnique, un shibboleth auquel les ecclésiastiques, gentilshommes de campagne, se reconnaissaient, sans que les autres eussent lieu de se formaliser ou de se croire traités légèrement. À peine pouvaient-ils soupçonner entre leurs collègues une certaine familiarité dont eux-mêmes étaient exclus. Mais aujourd'hui, que jeune vicaire, qui n'était pas du cercle intime, s'avisait de demander en mariage la fille du révérend M. Clavering, et cela, chose aggravante, sans avoir un sou dans sa poche, M. Clavering pensa que c'était son devoir de charité d'ouvrir les yeux aux délinquants. C'était pour lui une mission désagréable, mais le devoir avant tout. Il se leva et salua son vicaire comme s'il eût ignoré l'objet de sa visite. Il prétendait laisser à M. Saul tout l'embarras de l'entrée en matière, mais pour celui-ci, ce fut bientôt fait. « Monsieur Clavering, lui dit-il, je viens vous demander la permission de faire ma cour à votre fille. » Le recteur fut presque abasourdi de cette demande à brûle-pourpoint. « Absolument impossible, Monsieur Saul, tout à fait impossible. » « Mais cette Clavering me dit que vous avez encore parlé hier à Fanny de cette folie, et en cela je dois vous dire que vous êtes très mal conduit. »« En quoi me suis-je mal conduit ?»« En cherchant mon insu à gagner son affection. » »« Et quelle autre manière de la gagner, Monsieur Clavering ? » ?»« Si vous entendez par là, voyez-vous, Monsieur Saul ?»« Je ne pense pas qu'entre vous et moi il soit nécessaire de discuter là-dessus. » »« Que vous ne puissiez épouser Miss Clavering est une chose tellement évidente. » Que toute démonstration serait inutile. Sans parler des autres empêchements, ni elle ni vous n'avez de quoi vivre. Je n'ai pas vu ma fille depuis que j'ai eu connaissance de cette extravagance. Ayez la bonté de m'écouter, monsieur. Depuis que j'ai eu connaissance de cette extravagance. Mais ma femme me dit être certaine du fait. Venir me faire une telle proposition, c'est une balourdise, si ce n'est pire. Maintenant, monsieur Saul, vous avez le choix entre deux alternatives, ou promettre qu'il ne sera plus question de cela, ou quitter la paroisse. Bien certainement, je ne vous promettrai pas de renoncer à toutes mes espérances du côté de votre fille. Alors, monsieur Saul, plus tôt vous partirez, mieux ce sera. Il passa comme un nuage sombre sur le front de monsieur Saul, quand il entendit ces dernières paroles. C'est de cette façon, dit-il, que vous renverriez un laquais qui vous aurait manqué. Je n'ai pas l'intention d'être dur plus qu'il n'est permis de le faire, dit monsieur Clavering. Et ce que je vous dis, je ne vous le dis pas comme à mon vicaire, mais comme à un prétendant fort peu fait pour ma fille. Bien entendu, je ne puis vous renvoyer de la paroisse sans vous donner du temps. Je sais cela très bien, mais vos sentiments comme gentleman doivent vous faire comprendre que votre départ ne saurait être trop prompt. Et c'est là votre seule réponse. Quelle autre réponse attendiez-vous donc? J'ai été tellement occupé dans ces derniers temps des réponses que pourrait me faire votre fille que je n'ai pas songé à d'autres réponses. Peut-être n'avais-je pas droit d'en attendre de vous une autre que celle que vous venez de me donner. Vous le reconnaissez vous-même, et maintenant je vous demande encore une fois de renoncer à ma fille. C'est ce que je ne ferai certainement pas. Alors, monsieur Saul, il faut que vous partiez. Et quoique ce soit une très grande contrariété pour moi, je dois vous demander de partir tout de suite. Je ne veux plus que vous rencontriez ma fille. Aussi longtemps que vous resterez, elle devra s'abstenir de visiter son école, comme de venir ici. Et si je promettais de ne pas aller la chercher à l'école, cela ne me suffirait pas. D'aucune façon, vous ne pouvez rester dans la paroisse, vous devriez le sentir. Monsieur Clavering, mon départ, je veux dire mon départ instantané, est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. J'ai donc besoin de quelques réflexions avant de vous répondre. Il n'y a pas à réfléchir, dit Monsieur Clavering en se levant de sa chaise. Je ne vous donne pas une minute pour y réfléchir. Ciel et terre, et de quoi donc pourriez-vous vivre tous deux? Mais je ne veux pas rentrer dans cette discussion, ni dire un mot de plus sur un sujet qui m'est désagréable. Vous m'excuserez si je vous quitte. » Monsieur Saul partit. Depuis cette entrevue, la mésintelligence entre le recteur et le vicaire avait eu des conséquences fâcheuses pour la paroisse. Le recteur s'était montré plus raide qu'on aurait cru. Il n'avait pas positivement défendu à sa fille de voir Monsieur Saul, mais il avait interdit à Monsieur Saul l'accès du presbytère. Il survint une question relative au service du dimanche, et M. Clavering refusa d'avoir aucune communication avec son vicaire tant que celui-ci n'aurait pas fixé un jour prochain pour son départ ou promis de renoncer à Fanny. Ces deux conditions étant refusées, Mrs. Clavering avait appelé son fils à la rescousse.